lève toujours de bonne humeur. J'aurais pu flâner une autre heure, mais à ce prix-là, je peux me ramasser à flâner pour toute une année. Ça, j'ai rien contre, mais j'ai rien pour. Ça dépend juste. C'est pas facile, rester tranquille avec ce que je vois dans ma ville. C'est difficile, c'est compliqué, surtout pour moi, une proie facile. J'arrive à faire une vie normale, même si j'ai l'air d'une décimale. Une autre de plus, une autre de moins. Ça change rien. Tout le monde me trouve tellement docile, presque inutile. Je sens monter l'indécision. Des fois j'ai l'air d'une équation. Je prends plus rien, c'est pas logique. Ça doit être une crise mathématique. Y'en a partout, y'en a tout le temps. C'est pas facile, rester tranquille avec ce que je vois dans ma ville. C'est difficile, c'est compliqué, surtout pour moi une fois facile. C'est pas facile. J'essaie même d'arriver à l'heure. Tout le monde me dit, c'est temporaire. Ça va passer, faut pas s'en faire. Je me lève en plein milieu de la nuit. Juste ma tête qui fait du bruit. J'ai combien de crises à mon crédit avant de...